Il est 18h, vous êtes bien sûr Fadjet 94.2, c'est la voisinade. Et exceptionnellement, nous avons mis une musique de Noël, puisque c'est Noël. Et que mes trois chroniqueurs ici présents ont un chapeau de Noël. Donc comme vu que c'est de la radio et qu'on ne les voit pas, je vous invite à aller sur le Facebook et sur l'Instagram de la voisinade. Nous sommes habillés en Noël. Comment ça va les petits chroniqueurs? Ça va super bien. Qui est le plus en forme? Moi aussi, je suis en forme. Alors, Charles ne répond jamais hein, c'est quand même. Ils sont trop mignons, ils ont tous les trois un petit bonnet de Noël, oui. Dont un qui clignote. Et oui. Mais bah, le mien aussi devrait clignoter, mais il, ouais, il est cassé le tien. Il marche pas. Ça marche pas très bien. Et l'animateur a un petit t-shirt de Noël avec des petites cannes à sucre et un petit Père Noël, c'est très chou. Et en plus, il est beau gosse. Merci. En tout cas, donc bienvenue à tous pour cette spéciale Noël. Aujourd'hui, on va parler de la Laponie, des jeux à offrir, et enfin, on va faire un tour sur l'histoire de Noël. C'est ouais, ça. Oui, c'est ça, exactement. Et ben, on va commencer par la Laponie. Wouhou. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et donc, comme je l'ai déjà dit en introduction, Camille nous fait voyager en Laponie, puisque c'est Noël, c'est la neige, c'est le froid, c'est la Laponie. Voilà, donc merci Guylaine pour ce spoil. Non, je l'avais dit la semaine dernière. Ok, bon, bah merci Camille. Alors, tout de suite. Non, je vous emmène en Laponie, parce que quand on pense à Noël, on pense à Laponie. Ouais, et donc, c'est parti pour la Laponie. Alors, la Laponie, c'est une région du nord de l'Europe qui s'étend en fait sur plusieurs pays. Donc on a le nord de la Norvège, le nord de la Suède, le nord de la Finlande et la péninsule de Kola qui est en Russie. Voilà. On n'a que des nords. On ne savait pas. Oui, voilà. Oui, en fait c'est aussi le nord de la Russie. C'est mais plutôt au nord. Voilà. Donc au nord, bien plus au nord. C'est la même réplique qui m'est venue. On est accro à ce film. On dirait. On a regardé dimanche quoi. Donc, ouais. Donc en fait, la plupart du territoire donc, de la Laponie se situe au-dessus du cercle polaire arctique. Donc comme je vous ai parlé la dernière fois, c'est donc la zone la plus propice pour voir les aurores boréales. Si vous avez bien suivi. On a suivi, on a suivi. 2500 km, non, il y avait une histoire comme ça, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai bien suivi. Il y a une continuité dans les chroniques, c'est bon. Mais oui, non, mais quel talent. C'est tout travail. On dirait pas, mais on n'est pas des animateurs. Hein. Alors la question, c'est comment choisir où aller? Donc si vous voulez, il y a des petites différences. Donc, du côté de la Norvège, le relief est complètement différent de ce qu'on peut trouver en Suède ou en Finlande. C'est-à-dire qu'en Norvège, vous pouvez avoir des montagnes, des glaciers, des fjords, puis il y a la mer. Enfin, du coup, c'est pas du tout pareil. Les températures, c'est rarement en dessous de moins 7. Alors, je sais pas si ça vous rassure ou pas. Moi, ça me rassure pas. Ça va, ouais. Ça va. Ouais, ouais. Non, moins 7, ça va. Je m'attends à pire. Rarement en dessous de moins 7. Ouais. Oh oui, bon, ça va. Ouais. Ouais, parce que. Bien s'habiller, quoi, mais ça en va. En vrai, c'est pas froid. Enfin, il fait plus froid ici, des fois. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est pas si froid que ça. Je m'attendais à un moins 20 ou un truc. Ouais, bon, non, non. Ça va. Non, c'est pas si froid. Les paysages ne sont donc pas totalement recouverts de neige. Donc, ça y est, vu qu'il y a la mer, les fjords, etc. C'est différent parce que, contrairement à tout ça, en Finlande ou en Suède, là où ça se ressemble beaucoup, là, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés. Donc, on est quand même un peu plus froid. Mais. Ouais, ça reste encore. Ça passe, ok. Voilà. Et donc là, en Finlande et en Suède, ça ressemble beaucoup plus au paysage typique dont on a idée quand on pense à la Laponie, c'est-à-dire, vous savez, les lacs gelés, les forêts recouvertes de neige, les gros sapins, tu sais, avec 4 mètres de neige sur chaque sapin. Donc là, c'est beaucoup plus ce qu'on voit. Père Noël. Ouais, voilà. Un petit lutin. Et bah justement, donc c'est en Finlande. On va y arriver, à mon avis. Oui, voilà, c'est donc en Finlande qu'on retrouve le village du Père Noël. Et donc en fait, d'ailleurs, la différence entre la Suède et la Finlande, c'est surtout que la Finlande a fait un gros travail marketing pour ramener des touristes. Et donc du coup, il y a beaucoup plus de monde en Laponie finlandaise que suédoise. Donc si vous voulez faire un choix par rapport au nombre de touristes, vaut mieux aller en Suède pour être tranquille. Mais en même temps, c'est en Finlande que vous avez le village du Père Noël, donc il faut choisir. Ah bah s'il y avait marketing, il y avait forcément Père Noël. Hein, voilà, exactement. Il est obligé. Hein. Bah, le village du Père Noël, il se trouve donc en Finlande, dans un village qui s'appelle Rovaniemi. Je connais, ouais. Je dis bien. J'y étais la semaine dernière. Voilà. Ah bah, tu vas nous raconter. La fameuse globe-trotteuse de Fadjet. Exactement, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez rendre visite au Père Noël, été comme hiver d'ailleurs, hein, mais vous pouvez lui rendre visite. Donc en fait, il a installé son bureau dans le bureau de poste, hein, le Père Noël, c'est sympa. Et il faut savoir qu'il parle plus... Pour envoyer les cadeaux par colis, c'est plus simple. Bah, oui, c'est bah, voilà. Et donc il faut savoir qu'il parle plusieurs langues aussi, ça peut être pratique. Hein, évidemment. Évidemment. Ça c'est pratique, Père Noël sait tout faire. Tu as le nombre de langues ou pas du tout? Pas du tout. Mais moi, une fois j'avais entendu l'info, mais c'est genre, ouais. Genre une vingtaine, je crois mais ouais. Genre ouais. Beaucoup quoi. Je pense que c'est genre beaucoup. Et justement, je crois que c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il en a plein, j'ai pas vu cette l'info, mais je crois aussi avoir entendu dire qu'il savait parler plein de langues. D'ailleurs, n'importe qui n'est pas Père Noël. Hein. Ouais, en fait, quand tu donnes ton CV, c'est... Voilà. En fait, il y a vraiment un gros encart à langue étrangère. C'est ça, il faut qu'il y ait 20 lignes minimum. C'est ça. Il y a un truc super cool à faire au village du Père Noël, c'est qu'il y a la ligne imaginaire du cercle polaire arctique qui a été matérialisée par des pylônes décorés, etc. Et donc, c'est la photo à ne pas louper si vous passez à Rovaniemi, au village du Père Noël. Voilà. Je passe tous les jours. Voilà. Ah ouais, carrément. Pour aller au boulot, je pour chercher mon café. Il y a un Starbucks à côté. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Donc voilà, vous avez aussi à Rovaniemi le Santa Park. C'est un parc d'attractions ouvert uniquement pour les fêtes, donc de fin novembre à début janvier. Donc c'est un parc d'attractions qui est beaucoup, surtout pour les enfants. Donc vous avez des ateliers avec des elfes, vous pouvez confectionner des cookies, vous pouvez voilà. Pour les enfants, on l'a dit. Pour les enfants jusqu'à 32 ans. Ah bon, bah c'est bon, alors je peux y aller. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse de Noël, mais après en Laponie, si vous décidez de partir pour Noël, vous aurez le droit donc à la nuit polaire. C'est-à-dire que... Il fait très très froid. Non, mais c'est... Non, c'est surtout que... C'est la nuit, il y a tous les ours polaires qui envahissent comme des zombies. C'est surtout que le jour ne se lève pas, en fait. Ah oui, effectivement. Ça. Alors, ils appellent ça le camos. Alors, c'est une période donc, de mi-novembre à mi-janvier où le soleil ne se lève pas. Hein. On a une lumière quand même, parce qu'il ne fait pas nuit noire. Mais parce qu'on a à peu près de 10h à 15h une petite luminosité qui est accentuée par la neige, donc on va dire que voilà. Mais sinon, c'est la nuit polaire, quoi. Donc voilà. Alors évidemment, on a le phénomène inverse en été, hein, où la nuit ne tombe jamais. Donc là, on a le jour polaire. Ah ouais, il fait jour tout le temps. Il fait jour pratiquement tout le temps. C'est trop bien. Ils ont pas de milieu, les gars. Non, mais il fait jour, c'est fini. Ça, c'est incroyable. Deux. Je me suis amusée à faire un petit comparatif de la. J'ai trouvé la nuit la plus longue et le jour le plus long en Laponie. Alors le 15 décembre. Vous pouvez avoir le soleil qui se lève à 10h58 et se couche à 13h25. Donc on a 2h26 de soleil à la journée. Voilà. Il n'a pas trop envie de bosser le soleil l'hiver. Il dirait non, c'est bon, ça suffit. Et le 1er juin, vous avez le soleil qui se lève à 2h15 et qui se couche à minuit 20. Donc on a 22h dans ce soleil. Oh mon dieu. C'est énorme. Rien. Donc si vous décidez d'y aller pour Noël, et ben n'essayez pas d'y aller pour le soleil. Ah, ouais, une lampe de poche, quoi. Parce en que toi, tu vas vraiment en Laponie pour le soleil. Non, ben, c'est sûr. Donc, si vous voulez y aller le 24 décembre, vous aurez le droit à 2h28 de soleil, top chrono. Hein. Ben, c'est pas mal. Hein, il faut bien calculer votre journée. T'as pas intérêt de te lever en retard, hein, monsieur. C'est foutu. En même temps, il se lève à 11h. Hein, donc même si tu te lèves tard, tu peux faire une grasse mat, il fait encore nuit. Voilà, pratique. Donc après, bah, vous avez plein d'attractions autres que les attractions de Noël. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rentabiliser sa journée, hein, vu le peu de nombre d'heures de soleil. Vous pouvez trouver des fermes de rennes, des fermes de yuski. On peut faire des sorties en motoneige. On peut faire plein de choses sympas en Laponie. Chiens de traîneau aussi, j'imagine. Oui, bah, les chiens de traîneau. Donc les fermes de yuski, à mon avis, c'est là qu'ils te proposent de faire. Je pense que ça va dans le package. Ouais, c'est pour ça que les rennes aussi, tu penses? Je pense que là, je suis pas sûre qu'il fasse du traîneau avec, mais bon, il y a les. Surtout que ça s'envole après. Bah ouais, voilà, c'est un problème. Mais ça, c'est la vraie question, est-ce que ça s'envole? Bien sûr. C'est une sortie que vous pouvez faire en Laponie pour une somme maudite de quelques milliards d'euros. Ouais, c'est ça. À mon avis, ils vont trouver le moyen de faire soulever le traîneau à ce prix-là. Ouais, j'imagine que dans Santa Park, il doit bien y avoir une sorte de petite montagne russe avec des rennes. Ah bah oui, c'est sûr. C'est vraiment un tout petit parc d'attractions pour les enfants, surtout. Oui, une toute petite montagne russe. C'est un tout petit traîneau. Je sais qu'il y a un petit train avec des décorations de Noël, des choses vraiment faites pour les enfants, quoi. Mais après, est-ce qu'on a une montagne russe avec des rennes? Je ne sais pas. Tu te renseigneras, Camille. Nous, on a envie de savoir. Voilà. Et puis autrement, une petite info qui me semblait intéressante, c'est que les habitants de la Laponie, on les appelle les Samis. C'est un peuple d'autochtones du territoire de la Laponie et leur origine remonte à plus de 4000 ans. Je trouvais ça intéressant. C'est mignon, les Samis. Oui, c'est les Samis. Ouais, voilà. Mignon, je trouve. C'est le dernier peuple indigène d'Europe. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait encore des peuples indigènes en Europe, justement. En gros, ils vivent pratiquement... traditionnellement de l'élevage de rennes, ils ont eu une vie de nomades avec leurs troupeaux de rennes. Ils habitent dans la toundra. C'est un peu cliché. C'est vrai, c'est comme ça. Et puis bon, après, ils ont plein de traditions et d'activités, comme tu dis, très clichés, mais voilà, ce sont les Samis. S'ils nous écoutent. D'ailleurs, je crois qu'il y a des activités qui proposent d'aller à la rencontre de leur peuple. Ah, j'adorerais, moi, faire ça, ça doit être ça a l'air sympa. C'est génial. Eh ben, en tout cas, merci Camille de nous avoir fait voyager en Laponie. Tu peux rappeler le nom de village du Père Noël ? Rovaniemi. Rovaniemi. Et ben voilà, et ben, on va aller à Rovaniemi. Mais juste avant, on va s'écouter Christmas Every Day de Simple Plan. Il est 18h, vous êtes toujours sur Fadjet. J'adore le début. Just let it snow forever and live on holiday. There would be presents every morning under every tree. Oh, Santa Claus, if I could have my way, I wish it was Christmas every day. C'était Simple Plan avec Christmas Every Day. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et les indébattables sur Fadjet, la voisinade. Et bah aujourd'hui, comme on s'occupe de Noël, on va séparer le camp en deux. Ceux qui sont de la team du 24 au soir pour les cadeaux. Et ceux qui sont de la team 25 au matin pour les cadeaux, du coup. Du coup, c'est pareil. On est parti sur un débat. Là, on est. Attention, il y a toutes les rédactions du monde qui veulent faire ce débat avec nous. Franchement, c'est un débat de fou, là. Ça soulève les foules. Là, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Allez, on va commencer par Camille. 24 au soir. Voilà, en fait, il n'y a même pas de. Pourquoi ? Ah, si, il faut quand même dire. Bah oui. Bah, je sais pas. On n'est pas sur BFM. C'est censé être un débat. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Sinon, c'est une chronique de 30 secondes. Ouais, bah, je sais pas. Je trouve que c'est le soir-là qu'on fait la fête. Il est minuit. En plus, on attend minuit. Comme ça, on arrive quand même au 25 un peu matin. Tu vois, je triche un petit peu quand même. Et puis, ouais, c'est le soir du réveillon. Moi, le 25, c'est tranquille. Tu vois, le 25, on mange les restes. On mange les rennes, je peux te dire. On mange les rennes. Enfin, voilà, quoi. C'est plus léger, le 25. C'est le 24 qui a toute l'ambiance. Voilà, c'est... Ok. Donc, toi, tu ouvres le 25 au matin. Bah non, le 24 au soir. Tu as écouté ce qu'elle vient de dire, mais lui, t'as pas écouté. J'ai oublié la négation dans ma phrase. T'as compris ce que je viens de te dire ou t'as pas compris ce que je viens de te dire? Enfin bref, oui, du coup, c'était tout. Pardon. Ah bah oui, le gars dort. Charles, de quel se réveiller. Moi, je suis dans la team 24 au soir aussi. Par habitude, en fait, parce que j'ai toujours fait comme ça. Du coup, j'ai pas spécialement d'arguments pour ou contre, c'est juste que j'ai toujours fait comme ça. Donc. Je sais pas pourquoi je crois autrement. En fait, voilà. Ça, donc c'est un mouton. Et après, il me dit, tu sais, c'est le principe du débat, il faut débattre. Hein. C'est clair. Le problème avec vous, vous faites toujours comme on fait tout le temps. Non, mais en vrai, si, il y a des arguments, mais c'est plus pour les parents, tu vois. Le 24, t'es en famille. Alors, en fait, dans ma famille, c'était comme ça. On était souvent, genre, c'est souvent ouais, comme ça. Mais genre, on était 20, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup, c'était cool de faire les cadeaux à 20h. Tu fais les cadeaux aux gosses, comme ça, ah, les gosses vont au lit après. Ah oui, près. Non, non, ils vont jouer dans leur coin, t'es tranquille. Tranquille, tu fais un repas en famille entre adultes, c'est plus simple, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, y a, du coup, il y a l'argument inverse. Effectivement, peut-être que les gens ils veulent passer du temps avec leurs enfants. Il y a des gens comme ça, il paraît. Ah ouais. Oh là là, quel horreur. Du coup, en faisant les cadeaux à minuit ou le 25, tu peux passer plus de temps avec les gosses. Ouais. En fait, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle tu ouvres tes cadeaux. Quoi. Ouais, moi, ouais, je pense. Ouais. Parce que si tu l'ouvres à 21h et que le gars, il a un Lego, là, tu sais, qui met 10 heures à monter et qu'il est en train de dire « Papa, tu peux monter avec mon Lego ?» C'est sûr que la bûche, tu vas vraiment la bouffer. C'est hein, clair, là. C'est clair. Mélie, tu es de quelle team? Alors moi j'ai un problème en fait. Ah, c'est... ah. Comment? Mélie a un problème. Ça commence bien. Hein. Elle est déjà en débat avec elle-même. Hein. C'est clair. Avec non mais moi je suis plus de la team 24 du coup et on ouvrait les cadeaux à minuit dans ma famille. Il y avait toujours un de mes oncles qui faisait le Père Noël avec la petite clochette là. Mais non, dis pas que c'est ton oncle, dis que c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Noël. Sauf qu'en fait moi j'ai un problème, c'est que quand j'achète un cadeau à quelqu'un, je ne peux pas résister à l'envie de l'offrir. Donc généralement moi les cadeaux, le 23 je les offre le 22 ou, ah bon, ou le 21. C'est pas une blague en plus. Ah ouais. Alors c'est pas une blague, hein. Je n'arrive pas à garder les cadeaux triste, pour moi. C'est triste, tu gâches tout. Mais moi je peux pas, quand j'ai un cadeau, il faut que je le donne à quelqu'un. Elle oublie, elle oublie un détail, c'est qu'effectivement elle fait ça, mais après elle te refait un cadeau pour le 24 ou 25. C'est vachement bien. Mais du coup, un petit truc, tu vois, qu'elle met sous sa part, tous les ans elle me fait ça. Hein. Elle m'offre mon cadeau une semaine à l'avance, et puis du coup, ah ouais, mais du coup, pour pas que t'aies quelque chose sous le sapin, je te refais un petit truc. C'est trop ouais. Mignon. Ah ouais, non, mais l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Hein. On s'était dit, on se fait pas de cadeaux. À la place, on se fait un, je sais plus, on s'était fait un week-end ou un voyage, je sais plus. Et on s'est dit, on se fait pas de cadeaux. Oui, moi, je t'ai fait et, cadeau. Et trois jours ça avant, me dit quelque fait... chose, cette histoire. Mais oui. Trois jours avant de le faire, finalement, je t'ai quand même acheté un petit cadeau pour que t'aies quelque chose sous le sapin. J'ai dit, bon, bah super. Bah, du coup, j'ai couru à la boutique pour acheter un petit truc aussi. Elle est trop chou. Comme un idiot. Pourquoi on fait pas ça, moi? Pourquoi j'ai pas mon cadeau le 20 et le 24? Moi, je trouve c'est triste, elle gâche les traditions de Noël. Hein. Oui, mais, non, mais moi, justement, je trouve que c'est joyeux, tu vois. Moi, vraiment, quand je vais chercher le cadeau dans la boutique, je suis là, genre, oh, mais il faut que je lui offre tout de suite, je lui ai acheté. C'est quoi c'est quoi de Noël le 24, Mélie, en fait. On voilà. Crée une nouvelle team, la team 20, 24, 25. C'est ça. C'est ça. Plein de cadeaux. Du coup, t'es dans les deux teams, tu sais, pour les achats, ceux qui achètent 3 mois avant et ceux qui achètent à la dernière minute. Parce que toi, t'achètes début décembre et après, tu offres le 20, donc tu te retrouves dans le magasin 24 à racheter un cadeau de dernière minute. Je me dis, oh non, j'ai plus de cadeaux là, je fais quoi? Et ben moi je suis comme vous en fait, il y a pas vraiment de débat. Du coup, y a pas de débat. On a pas juste visé les foules en fait. Non, moi je suis de la team 24 au soir. Moi j'aime bien, alors je suis un peu sadique, mais avec mes frangins j'aime bien les faire attendre. Genre 24 au soir, s'ils m'écoutent, pas 21h parce que c'est trop facile, il faut d'abord qu'on ait mangé la bûche parce que ça c'est un piège. Moi je me suis déjà fait avoir, genre tu ouvres les cadeaux à 21h. Et après, toi, tu montes tous ses Playmobil et toi, t'attends comme un con à table pour avoir la bûche. Parce que lui, son cadeau, c'est le dessert. Alors, Bah oui, moi, tu m'offres une bûche, j'ai pas besoin de cadeau. Hein, ça suffit largement. Bon, bah, le vote est unanime. Hein, Je devrais offrir des bûches aux gens. Comme ça, je pourrais pas leur offrir en avance. Ah, bah non, oui. Parce que, ah, si, si parce qu'ils hein. Ils en vendent dès le 15 décembre. Ah, ouais. Ils vendent déjà des galettes des rois. Hein, donc, Ah, mince. Bah non, alors ça fonctionne pas. Faut que je trouve un cadeau que je peux offrir le 24, que le 24. Tu vas réfléchir à ça. Eh ben impeccable, eh ben, si tu peux m'offrir un cadeau, ça me va aussi. Donc bah, la team 24 au soir a gagné, donc les auditeurs de Fadjet, vous êtes obligés maintenant d'ouvrir vos cadeaux. 24 au soir. Allez, on va enchaîner avec une musique, attention, on va partir sur du punk, même si comme ça, c'est sympa. On va s'écouter Blink 182 avec I Won't Be Home for Christmas. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. C'était Blink 182 avec I Won't Be Home for Christmas. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont. Désolé, j'ai raté le lancement, j'étais en train de rigoler. Ben voilà. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? Et surtout, et Charles, à quoi on va jouer à Noël? Eh oui, je sais pas quoi faire. C'était ma phrase d'intro, je suis... Ah merde, si tu veux, je peux te lancer des grelots de Noël. Allez. Voilà, c'est juste pour... voilà, super. Comme ça on fait, on oublie, on n'a rien entendu. Voilà. Du coup, à quoi on joue ce week-end, je sais pas, mais je vais vous dire à quoi on joue à Noël. Oh là là, on s'y attendait pas du tout à cette introduction. En tout cas, à quoi vos gosses vont jouer à Noël pendant que vous êtes à table tranquille. Si vos gosses, décidément, tu veux vraiment virer les enfants, toi, cette année. C'est une très bonne idée. Alors, du coup, pour cette chronique spéciale Noël, je vais vous proposer. Je me mets un peu en difficulté, tu vois, je vais vous proposer des jeux pour enfants. Alors, pour le coup, moi, je suis un grand passionné de jeux, je connais beaucoup de jeux, mais le côté enfant, c'est un peu ma faiblesse. Ouais. Et du coup, je me suis un peu trituré. Maintenant, je peux vous trouver des jeux super sympas. C'était pour les enfants. Challenge. Et ouais, c'est ça, je me suis challengé. Je suis sorti de ma zone de confort. Donc, je vais vous proposer une petite dizaine de jeux, il y en a 9. Je vais essayer d'aller vite. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Et du coup, ça va de 2 ans à 8 ans, que j'ai okay. Un peu pour toutes les années. Sauf un an et 9 ans, du coup. Voilà, c'est ça. Mais après un an, les jeux de société, bon. Ouais, les jeux éveil, c'est bien. Oui, c'est-à-dire que le gamin mange les pions, donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors je vous propose que je commence, parce que sinon on est là encore dans. C'est ça. Allez, Charles, on t'attend. Ok, alors d'abord, pour les plus petits, on va commencer donc à partir de 2 ans et plus. C'est pas un jeu, pour le coup, c'est une gamme que je vous propose. C'est la gamme Mes premiers jeux de ABBA. Voilà, tout à fait. C'est qui H-A-B-A pour le coup. Donc je vais vous donner un exemple de jeu quand même, histoire que vous sachiez de quoi parle. Donc il y a par exemple Mon premier verger, c'est un jeu de la gamme Mes premiers jeux. C'est un jeu en fait qui est super simple, où vous allez avoir des gros trucs en bois qui représentent des fruits, d'où le verger, et un gros pion qui représente un corbeau, et un dé. Et en gros, à chaque tour, l'enfant il va lancer un dé de couleur. S'il tombe sur la couleur jaune, il doit gagner un fruit jaune, et si jamais il tombe sur la couleur noire qui correspond au corbeau, le corbeau se rapproche et c'est pas bien, et ça approche la fin du jeu. Donc c'est un jeu éveil, voilà, où tu vas commencer à apprendre à mieux assimiler les couleurs, les fruits, les noms des fruits, à commencer à apprendre des règles de jeu, parce que ça peut être important pour faire des jeux plus tard. Comme par exemple, à partir de 3 ans, faire le jeu Une patate à vélo. Une patate à vélo. Oui, une patate à vélo. En fait, c'est un jeu qui porte super bien son nom. En fait, c'est un jeu d'association de mots, donc pour les enfants de 3 ans et plus, et qui coûte une vingtaine d'euros. D'ailleurs, j'ai oublié de dire les prix pour la gamme Mes Premiers Jeux, mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas vérifié. Ça doit être dans les 15-20 euros aussi. Oui, en général, c'est jamais très, très cher. C'est jamais très cher, les jeux pour enfants. Donc, une patate à vélo, c'est des jeux, voilà, 3 ans et plus, 20 euros. En fait, c'est un jeu d'association de mots. On va tirer, alors on peut jouer avec les enfants, hein, c'est d'ailleurs même assez marrant, même entre adultes, je pense que vous aimeriez bien. On va tirer 2 cartes, on va y avoir un objet et une situation. Donc par exemple, une patate à vélo. Et en fait, l'enfant, il doit dire « Ah, ça se peut !» ou « Ah, ça se peut pas !» Ah, en fait, le but, ça va être de créer des débats entre les gosses. Un cactus qui fait mal, ça se peut ou ça se peut pas? Bah oui, ça se peut. Et une patate à vélo, ça se peut ou pas du coup? Bah oui. Ah bah du coup, ça me paraît compliqué. Bah okay. Non, si tu montes sur ton vélo et que t'as une patate à la main. C'est, vrai, c'est vrai que ça marche aussi. Enfin, voilà, c'est un petit jeu sympa pour commencer à apprendre. Ouais, ça a l'air sympa. En plus, il y a un petit côté un peu éveil. Avec moi, tout ça se pourrait pour tout, je pense. Avec beaucoup d'imagination, tout se peut. Ouais. Oui. À mon avis, il faut pas débattre avec moi. Et imagine avec moi. Oui, c'est clair. C'est pour ça que c'est un jeu orienté débat, puisqu'il y a toujours de quoi imaginer. Alors je vais accélérer un peu. Le prochain jeu, c'est la Maison des Souris. Alors c'est un jeu qu'on a acheté avec Mélie. Oui, on a acheté. C'est pas que pour les enfants. Bah oui, c'est justement à l'enfant d'ami. C'est un jeu pour à partir de 5 ans. Donc on saute juste la case des 4 ans. Oui. J'ai pas trouvé de jeu pour les 4 ans, ce sera 5. Une trentaine d'euros, la Maison des Souris. En fait, c'est un jeu dans lequel la boîte de jeu représente une sorte de maison en 3D. Et dedans, en fait, on va cacher on va secouer des petits jetons qui représentent des objets. Fromage. Ah non. Il y a sûrement un fromage, mais il y a aussi une fraise, etc. Et en gros, on va appuyer sur un bouton qui va allumer une lampe. Et à travers des petites fenêtres, on va tourner autour de la boîte pour essayer de voir les objets. C'est génial. Et de retenir un peu où est-ce qu'ils sont placés, dans quel sens, etc. Et après 30 secondes, on va avoir une sorte d'interro qui va nous dire où était la fraise. Ah bah la fraise était dans la cuisine. C'est un memory mais un peu plus fun. Ouais, quoi. C'est ça. Est-ce que le téléphone était allumé? En fonction de la phase du téléphone, il était soit allumé, soit éteint, etc. Observation. Je suis sûr que je pourrais être nul à ce jeu en plus. Alors, c'est un jeu pour 5 ans. C'est un jeu de mémoire et de. Ouais, c'est, ce c'est pas forcément évident. Le suivant, c'est encore pour 5 ans, ce sera Dragomino. Ah, j'ai déjà entendu ça. Alors effectivement, c'est en fait. J'ai déjà vu même la Caverne du Gobelin. Là, ouais, c'est un jeu super sympa. Là, j'ai une liste de 3 jeux qui va venir. En fait, ce sont des versions enfants de jeux qui existent déjà pour les adultes. Ok. Donc Dragomino, pour ceux qui connaissent, King c'est Domino. La version enfant de King Domino, qui est un jeu comme son nom l'indique de domino. Sauf que les dominos, c'est pas des chiffres, sinon ce serait pas très drôle. Ça représente des terrains en fait. Donc dans Dragomino, les terrains, ça va être un glacier, une plaine, etc. Et quand vous associez des terrains entre eux, vous allez faire pousser des œufs de dragon. Enfin, pousser. Des œufs. Vous allez faire arriver des œufs de dragon qui vont éclore ou pas. Et donc ça va être le but du jeu, de faire une sorte de ferme de dragon. Super sympa, les gosses, ils adorent. Le suivant, ce sera la version enfant de Chronicles of Crimes, qui est un jeu d'enquête, qui du coup s'appelle Kids Chronicles. À partir de 6 ans, qui coûte 22 euros. Devenu 22 euros, c'est pour madame. Hein. Et avec ça, une baguette de bang. Pas cher, pas cher. Je vends le jeu. Alors, Kids Chronicles, c'est un jeu d'aventure pour les plus petits. On va essayer de récolter des objets, parler à des personnages, essayer de résoudre des enquêtes. La grosse qualité de ce jeu, je trouve, c'est que pour les enfants de 6 ans, c'est pas des enfants, c'est pas des histoires de gosses, tu vois, où c'est la petite fille qui a volé une sucette, on s'en fout. Il y a vraiment une histoire intéressante qui n'est pas non plus trop mature. Histoire de zombies comme ça, non? De sabre. Et du coup, c'est un jeu qui utilise une appli. Donc il faut qu'il y ait un parent à côté ou que le gosse ait un téléphone s'il est déjà un peu plus âgé. Et l'appli, en fait, elle fait de la réalité augmentée. Donc si tu parles à un personnage, l'appli, elle va te montrer le personnage. Ah, c'est bien ça, ouais. Super chouette, les enfants adorent aussi. Ah oui, c'est sûr. L'autre jeu, donc. Version enfant d'un jeu adulte, c'est Andor Junior. Oui. Donc version enfant de Andor, du coup. 35 euros, ça commence à être un jeu un petit peu plus long, ça prend une demi-heure. Andor Junior, c'est un jeu d'aventure. On va essayer de résoudre des quêtes, trouver des événements, on va y avoir des événements aléatoires sur la carte. On va essayer d'aller sauver les loups tout en les petits louveteaux qui sont perdus. Tout en en même temps protégeant notre château des monstres qui l'attaquent. Donc c'est déjà un peu plus mature, c'est à partir de 7 ans. Mm-hmm. C'est un excellent jeu, Andor, et Andor Junior est un énorme succès, même chez les adultes. Il y a beaucoup d'adultes. Mm-hmm. Ça se joue aussi en jeu famille, en fait. Ils peuvent jouer avec les enfants, c'est sympa. Ça. Ouais, voilà. De toute façon, tous les jeux que je cite sont sympas à jouer avec les enfants. Sauf le premier, peut-être, récupérer un fruit jaune. Bon, pas super. Alors, je joue pas longtemps. Quoi. Un dernier, voilà, rapidement. Le tout dernier. Allez, rapidement. Le tout dernier, on va choisir pour les plus âgés. Ce sera Trésor Légendaire, 8 ans et plus, 25 euros, 30 minutes. C'est un jeu de bataille navale géante. Alors, c'est pas. Je lance une bombe en A2. C'est plus technique que ça. En gros, on va avoir un gros plateau avec des tuiles qui sont secrètes et on va se déplacer dessus pour essayer de récupérer des trésors, récupérer des boulets de canon pour taper sur nos copains. Voilà, super, bonne ambiance, on adore. Et petit truc super sympa, c'est que c'est un jeu évolutif. Donc en fait, à chaque fois, le gagnant de la partie va pouvoir choisir une carte trésor qui est en fait une enveloppe dans laquelle il va trouver des trucs à rajouter au jeu pour les prochaines parties. C'est super cool, je vous recommande et voilà. Amusez-vous, les jeux de société, c'est trop cool. Eh ben en tout cas, je te remercie Charles pour cette belle présentation. Il y avait plein de jeux qui m'ont l'air. Enfin, même moi en tant qu'adulte, j'ai trouvé intéressant. Moi, j'ai envie de les acheter. Les Nacs sont vraiment sympas. Les Nacs, je vais acheter. Les Nacs ont l'air vraiment sympa. Ouais. Et ça occupe vos enfants pour Noël. C'est ça. Vous pourrez bouffer tranquille à table. C'est ça. Il est 18h30 sur Fadjet, on est à la moitié de la voisinade. Et tout de suite, c'est le moment de chanter puisque c'est la musique la plus connue de Noël. Évidemment. C'est Wham, Last Christmas. Christmas, tout le monde doit chanter dans sa voiture en ce moment même. Il est 18h34, vous êtes toujours sur Fadjet. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et l'histoire de Milly aujourd'hui, si j'ai bien suivi, c'est l'histoire de Noël, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh ben, on t'écoute. J'ai décidé donc de vous parler de Noël à travers les âges et de vous expliquer aussi l'origine des symboles. Oh, il y a les petits grelots, j'aime bien. C'est comme ça, j'aime bien. Voilà. Non, mais j'aime bien. Donc, du coup, le 25 décembre, hein, de nombreuses personnes dans le monde vont fêter Noël. Mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé vraiment à fêter cette fête? Il y a longtemps. Merci Camille, de rien. Je pense que c'est après Jésus-Christ, parce qu'avant, il n'y avait pas Noël du coup. Bah oui, du coup. Donc ça doit faire 2000 ans, quoi, à peu près. C'était il y a longtemps. Donc ça fait maximum 2000 ans. Voilà. C'est ça, donc pour les chrétiens, Noël marque la naissance du Christ à Bethléem, mais de nos jours, la fête, c'est surtout un synonyme de bonne humeur, de temps passé avec la famille, bon, sauf si on a des enfants, c'est dommage. Le tout ponctué donc, de traditions avec des cultures différentes. Mais en fait, même avant la naissance du Christ, il y avait des fêtes qui étaient célébrées le 25 décembre. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose le 25. En fait, on avait donc, ce qu'on appelle la fête des Saturnales, qui étaient des festivités liées tout simplement au solstice d'hiver et donc qui avaient lieu avant la naissance du Christ. Donc depuis l'Antiquité, finalement, l'hiver rime avec ces festivités. Ah. Et les anciennes traditions ont fini par être associées à Noël tout simplement. C'est quoi les anciennes traditions, du coup? C'est ce que je viens de dire. Mais par exemple? C'est les Saturnales. C'est, voilà, pendant ces événements, il y avait des banquets qui étaient faits pour célébrer le solstice d'hiver. Camille, voilà. C'est la fille au fond de la classe qui écoute pas, qui après pose des questions bien reloues. Mais non, je voulais des exemples de traditions. Mais Mélie qui ne sait pas faire sa chronique jusqu'au bout. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. Camille, votre carnet tout de suite. Donc, par exemple, on avait aussi des fêtes en Allemagne et en Scandinavie, notamment Scandinavie, pardon. Donc, une fête qui s'appelait le Yule, voilà, où on organisait des banquets. Okay. On avait également des druides celtes qui organisaient un festival de 2 jours, donc durant cette période de l'année, tout simplement. Ok. Ouais, on a posé des questions aussi maintenant. Non, à l'école, on a le droit de poser des questions, même si elles sont bêtes. Ah, hein. Non, moi, j'ai rien dit. Hein. C'est lui là-bas qui a parlé. J'ai rien dit. Je suis calme. Pour une fois, je suis calme. Oui, non, mais c'est pour ça que du coup, je suis perturbée parce que vous êtes calme pour ma chronique. Il vous fait disputer. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, au Moyen-Âge, la célébration de Noël va vraiment se populariser. Dans l'Angleterre, notamment, la célébration va durer 12 jours. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment fait les choses en grand. Durant cette période, il va y avoir des pièces de théâtre, des festins qui vont être improvisés, des reconstitutions donc de la naissance de Jésus avaient également lieu. Au secours. Au secours, ouais, c'est clair. On tournait les femmes enceintes au pichet. Allez, c'est parti. Je marie. Donc les banquets étaient vraiment assez imposants. On a un chiffre, par exemple, sous Henri III d'Angleterre, il a organisé un banquet au XIIIe siècle dans lequel les invités ont avalé plus de 600 bœufs. Cool. C'est Obélix, oui. En fait. Ouais. J'ai pas qu'il y a trop de monde. C'est des ouf. En plus, pendant 12 jours, donc les gars, c'est 600 bœufs par jour. Non. Mais le reste de l'année, ils mangeaient pas, par contre. Ah, il y a pas de vegan, non. C'est 600 bœufs sur les 12 jours. Ah oui, oui, ah oui, ça tout, fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 600 bœufs, c'est énorme. Hein. Ah oui, même si on est, je sais pas combien, c'est beaucoup. Bah même si on est 600, déjà. Un bœuf sur personne. C'est quand même pas mal. Donc c'est à l'Allemagne aussi qu'on attribue le sapin de Noël. Je sais pas si vous saviez. Mais l'Allemagne, j'ai l'impression que c'est eux qui ont créé Noël. C'est exactement ça. Hein. Au départ, c'était un pain orné de bougies et de cadeaux, voilà. Et du coup, la famille britannique, trop changé. Oui, mais on ne met plus des bougies maintenant sur notre sapin, on met des guirlandes. Parce qu'il y a l'électricité, quoi, mais... Oui, et puis une bougie sur un pain, il y a quand même un risque d'incendie, oui, quoi. C'est pas. Et donc la famille britannique, quand elle a découvert ça, elle a décidé tout simplement d'importer cette tradition dans son pays parce qu'elle trouvait ça sympa. Et du coup, au fur et à mesure, le sapin de Noël, ça s'est popularisé dans l'Europe et dans le monde. Ça s'est répandu comme ça. Ouf. T'as un gars qui met des bougies sur. C'est clair. Et tout le monde s'est dit mais c'est trop bien. C'est ça. Télé bizarre. Et du coup, il y a d'autres choses qui nous viennent d'Allemagne, les couronnes de l'Avent, les figurines casse-noisette et du coup les marchés de Noël. Je crois que tu l'avais dit, Camille, la dernière fois. Par contre, la tradition de Noël a mis un peu de temps à se répandre, notamment aux États-Unis. Les puritains ont banni Noël carrément de 1659 à 1681. Oh, c'est triste. Voilà. François, c'est pas si long. Ouais, mais bon, ils ont quand même pas trop aimé. Oui. Et c'est vraiment après la guerre de sécession que les Américains vont se mettre à fêter Noël. Ils se sont dit, mais finalement, c'était sympa. C'est bien cette fête. Ça, bah finalement, on en fait, manger. On mange, on le fait, pas nous là. Et du coup, les immigrés qui sont arrivés au 19e siècle en nombre ont répandu également leurs traditions. Et un des symboles culturels qui a été rapporté par les immigrants, c'est Le Père Noël. Le Père Noël. Exactement. C'est pas Coca-Cola ? Non, c'est pas Coca-Cola au départ. Voilà, ça vient de familles qui ont migré aux États-Unis. Et du coup, bah, au fur et à mesure, c'est devenu le Père Noël qu'on connaît actuellement, tout simplement. D'autres symboles hein, de Noël, les guirlandes. Donc là, je voulais vous expliquer, oui, ça vient des bougies avant qu'on mettait sur les sapins. Mais depuis l'invention de la lampe, on se dit que c'est quand même plus simple de mettre des guirlandes. C'est pas beau. C'est pas con. Et on a également le pain d'épices, qui est un symbole de Noël qui a été rendu populaire grâce à... aux épices. Grâce à, au petit pain d'épices. Le pain dans le garçon. Non, dans Shrek. Il me reste peut-être Gaylon pour une bonne réponse. C'était un mec qui dit peace and love. Et il mangeait du pain. Qui je sais pas du tout. Comment tu veux qu'on sache cette réponse? Bah, je sais pas, moi je pose des questions. Hein. Donc c'est grâce au conte d'Ansel et Gretel, des frères Grimm. Mais ah, on n'était pas loin, Shrek. Bah oui, bah, vous n'étiez pas loin. Et du coup, c'est à partir de là que le pain d'épices, et notamment les maisons en pain d'épices, se sont répandues. Et sont devenus un symbole de Noël, parce qu'on mange tous du pain d'épices à Noël, et c'est dégueulasse. Oh, mais non, moi j'en mets pas d'épices. Trempé dans le café, ça oh, va. Non, c'est pas bon. Il m'a trempé dans le Nutella aussi. J'ai, hein. Mais j'ai trop envie d'un pain d'épices, moi, c'est foutu, là. Rien que l'odeur. Il y en a pas, de toute façon. Moi, j'aime bien le pain d'épices. C'est un bon pain d'épices, c'est bon. Ah, après, ouais. j'ai vraiment du mal avec le pain d'épices basique, là, tu sais, que tu trouves au supermarché. Ouais, mais un pain d'épices de Noël. J'aime pas, là, mais un bon pain d'épices, ouais, ça passe bien quand même. C'était tout pour toi, Mélie ? Bah oui, j'ai parlé pain d'épices, ouais, moi non, j'aime bien. Les gars, ils sont en train de sur le pain d'épices. Je propose qu'on refasse un indébattable, le pain d'épices. Et ben, pour la prochaine voisinade, donc le 6 janvier, donc on se fera un débat sur le pain d'épices. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, on va continuer à fêter Noël et on va s'écouter Feels Like Christmas de Panic at the Disco. Wouhou ! Il y a des chansons qui commencent comme ça, en fait. Bye. C'était Feels Like Christmas et nous aussi on se sent comme à Christmas. Il est 18h44 sur la voisinade spéciale Noël. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui vous ? Et pour ce génie de l'actu spécial Noël, on va faire le tour du monde des insolites de Noël. Mais avant de commencer par le tour du monde, on va partir à Laval. où on offre un tour de grande roue à des enfants, mais il faut me trouver pourquoi. S'ils sont sages. Non. Ils sont pas sages pour les finir. Et la roue tourne super vite. Et il y a pas de sécurité, ils tombent de la roue. C'est un truc horrible, style s'ils ont mis leur masque ou s'ils ont fait leur vaccin. Non, ouais. C'est pas du tout un truc horrible. Ah ouais, c'est pas un truc horrible. L'actualité, c'est récent. Ouais. Ah, c'est en rapport avec Noël. J'ai dit de l'actu en même temps. Oui. Si, ah, s'ils donnent un cadeau au Père Noël, s'ils donnent des cookies au Père Noël. On y est presque. S'ils donnent à manger au Père Noël. Ben ils vont pas. S'ils tabassent le Père Noël. Non, mais tu sais que le Père Noël, il peut vivre tout seul, il peut manger. C'est ils sont un bisou au Père Noël. Non, mais c'est vraiment en rapport avec les demandes au Père Noël. S'ils écrivent une lettre au Père Noël. Eh ben voilà, exactement. Oui. Camille, premier point. Effectivement, à Laval, donc un tour de grande roue. Encore une fois, on remarquera que j'ai tout fait quand même. Hein. Ils ont installé une grande roue il n'y a pas longtemps, ils ont mis une boîte aux lettres devant, et c'est la première fois qu'ils font ça. Et les trois plus belles lettres gagnent un tour en cabine VIP. Wow. Ah, si, on peut tester nos lettres ou pas? Tu peux, t'as jusqu'au 24 décembre, mais après, je pense que le jour où tu vas arriver, ils vont se rendre compte que t'es pas un enfant. Ah mais si, regarde, je suis bien l'enfant. Alors il paraît que l'opération marche bien, la boîte aux lettres est remplie de lettres. Et attention, quand je vous ai dit VIP, champomis et friandises. Ouh, wow. Ouh, non mais incroyable, moi je veux y aller. Alors, donc là, moi on va à Laval, hein, je suis désolé, 40 mètres de hauteur dans une roue avec du champomis. Voilà, je peux être dans les trois plus belles lettres. C'est surtout le champomis, à vous. Oui, c'est ça, exactement. Bah, tu me dis champomis, même, il n'y a rien d'autre, même, il n'y a pas de saumon, rien, juste du champomis, je reste 2 heures en haut. Ça va être simple, le repas de Nouvel An avec vous, en fait. Ah, c'est juste du champomis. J'aurai un yaourt. Hélène, il aura du champomis. Allez, on va partir aux États-Unis où ils ont une pénurie en ce moment. Une pénurie, de bonnets de Noël. De paquets cadeaux. J'ai pas entendu tout le monde. On a dit une pénurie de bonnets de Noël. Non. De pulls de Noël. Non. De papier cadeau. Non. De ruban. Mais vous tournez autour du pot. Vous êtes de pas sapin. Là. Oui, autour de, non. Autour bah, surtout, c'est autour de Noël. Hein, autour de Noël. Automatiquement. De guirlandes. De boules. De foie gras. D'étoiles. Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Et ça s'accroche pas sur le sapin. Ça s'accroche pas sur le sapin. De sac à sapin. Le parquet. Ils sont en pénurie de parquet qui soutiennent le sapin. Mais on a tout fait. C'est un vêtement. De tenue de Père Noël. De chaussettes. C'est plus en rapport avec la phrase tenue de Père Noël. De déguisement. Non. Presque. Deux Pères Noël. Voilà, deux Pères Noël. Ils sont en manque de Pères Noël. C'est ça. Oui, d'accord, okay. Exactement. Ouais. Mauvaise nouvelle pour les enfants américains, les Pères Noël ne seront pas au rendez-vous cette année parce que beaucoup ont pris la retraite et malheureusement, beaucoup sont décédés du Covid-19. Oh non, c'est mais trop triste. Je comprends pas. Attends, parce que là, le meilleur est à venir. À Denver, il existe une école professionnelle de Santa Claus qui dispense des formations et cette année, ils ont diplômé que 28 Pères Noël contre 120 habituellement. Non, attends. C'est quoi les critères pour avoir un diplôme de Père Noël? Moi là, je veux savoir. Déjà, de base, il faut aimer Noël, ressembler au Père Noël en portant une vraie barbe et avoir ce regard qui pétille. D'accord. Donc sur les sélections, c'est t'as pas le regard qui pétille. Il y a une société à New York qui s'occupe de louer des Pères Noël. Ils ont loué jusqu'à Dubaï. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui perdent des Pères Noël. Le voyage de New York jusqu'à Dubaï pour que le gars vienne faire le Père Noël. J'ai quand même une question parce que. Imagine ta vocation dans la vie, c'est de faire Père Noël. Tu fais un diplôme de Père Noël. Jusque-là, je veux bien. Le reste de l'année. Tu travailles deux nuits par semaine, enfin deux nuits par an. Et le reste de l'année, tu fais quoi? T'es payé à faire rien foutre. Oui, tu fais élève des lutins. Alors, du coup, t'as plus de diplôme pour le reste. Je vais te donner le salaire quand même. Une bonne année en travaillant de début novembre au 24 décembre, un Père Noël peut gagner entre 6 000 et 10 000 dollars. Et t'as presque pas besoin de travailler à Zolène, non, si quand même. Bah, c'est pas vrai. 10 000 dollars pour le tout, c'est. Ah, j'ai pas les salaires exacts. Tu vas pas exact. Loin quand même. Hein. Non, mais pour l'année, mais pour 2 mois, c'est énorme. Bon, 5 000 $ par mois aux États-Unis, c'est pas énorme. Non. Ouais, moi, je trouve pas ça incroyable. Moi, j'aime bien me faire diplômer, j'ai pas de barbe. Ouais, je sais pas. Ouais, ça, moi, je trouve que c'est. De toute façon, j'ai pas de barbe. C'est quand même une contrainte de faire un diplôme que tu pourras utiliser finalement que 2 mois par an. Ouais, mais t'es payé. Ah, mais t'as un diplôme de Père Noël, qui a ça? Et puis en plus, ça sert à quoi un diplôme de Père Noël? Enfin bref, on va revenir en France où, pareil, c'est pas une pénurie mais c'est une rupture de stock. Des bonnets de Père Noël. De c'est pas les pneus. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu crois que le Père Noël il roule en pneus? Elle nous sort ça, tu sais, de ketchup. Elle nous sort des trucs. De vermicelle. Elle joue à pyramide en fait, mais il joue pas au même jeu que nous. Non. Du coup, des bonnets. Non. Est-ce que c'est un truc qu'on a cité tout à l'heure? Oui. Des guirlandes, un sapin. Un Père Noël. Une étoile, des boules. Tant que je dis rien, c'est que ça n'a pas le bon. Des déguisements. Des chaussettes. Des chaussures. J'en avais un en arrivant. Un pull de Noël. Alors attention, je donne le point à celui qui trouve de quelle enseigne. Adidas que, non, c'est pas une enseigne, tu t'attends à ce qu'ils fassent des pulls de Noël. Ils vendent de la bouffe, non. Intermarché. Non. Lidl. Oui, Lidl. Lidl. Oui. Et bah oui, effectivement, ce jeudi... Je l'ai vu en plus, ce truc. Moi aussi. Je suis trop bête. Ce jeudi 16 décembre, Lidl a mis en vente une série de pulls floqués au logo de la chaîne de magasins alimentaires. Et moins de 2 heures après l'ouverture, tout était vendu, rupture de stock total. De nombreux clients ont expliqué sur les réseaux sociaux s'être levés aux aurores pour se rendre dans leur magasin, histoire d'être sûr de pouvoir se procurer le pull Lidl. Alors pour ceux qui ne sont pas en voiture et qui nous écoutent d'ailleurs, allez sur Google, les pulls sont vraiment mais horribles et chez horribles. Et attention, il y a de la revente, le pull vaut maintenant 500 euros sur le bon coin. Pardon. What the fuck. Non mais, et, mais c'est là Lidl, quand même, c'est que la société va mal. Hein. La société va Lidl, mal. En vrai, c'est souvent comme ça avec Lidl, mine de rien. Ils ont un business model qui est très bizarre, où ils sortent des trucs en édition limitée qui partent à chaque fois aux 2 jours. Et qui sont moches. C'est bizarre, qui sont moches en plus. Mais il y avait pareil avec les chaussures. Avec les chaussures, ils font des grolles. Oui, c'est ça. Même pas que ça, ils font des prêts. Enfin, genre mon père, il m'a acheté un robot de cuisine. Oui, mais le monsieur cuisine. Voilà, c'est ça. Cuisine. Maintenant, bon, c'est pris à. Thermomix et Cookieo. Voilà, c'est pris à. Un procès pour plagiat là, mais bon bref, mais ils ont plein de trucs comme ça qui à chaque fois partent super vite. Bah, écoute, c'est que c'est des génies hein, pour moi. Ouais, ça marche pas. À la limite, le robot de cuisine, je comprends parce que c'est il y a une utilité derrière. Oui, c'est utile, c'est un pas pull cher. De Noël avec le logo Lidl, ça fait même pas Noël. Alors, j'ai en plus. Effectivement trouvé une photo sur Google, il faut que j'essaie de la mettre sur Facebook parce que franchement elle est horrible hein. Parce que franchement c'est moche. Ouais, c'est bien moche. Ils sont en train de regarder. Donc du coup, je vais combler. Hein. Ah oui, c'est bon. Parce que ils sont en train de regarder leur téléphone. Il n'y a plus personne qui parle. Je parle. Ah, okay, je vais même vous la poster sur Facebook. Hein. Attends, l'actu suivante. Hein. Eh ben, l'actu suivante. On va partir dans le pays de Noël, en Allemagne, où un couple vient de battre un record du monde en rapport avec Noël. Record du monde de bûches dans le. Ah, je sais. Bûches dans le quoi? Moi, je frigo. Je sais. Ah, tu l'as. Bah vas-y, dis-le. C'est le record du monde de sapins, non? C'est pas ceux qui ont plus de sapins chez eux. Et pourquoi ils mettent plusieurs sapins chez eux? Alors attends. Ils ne mettent pas plusieurs sapins. Ils ont 444. 400, ouais, c'est ça. Donc un couple allemand ont 444 sapins ornés de 72 000 boules et centaines de guirlandes. Quoi ? Ils sont fous. Ils s'appellent Thomas, d'ailleurs, comme un auditeur qui nous écoute en ce moment, et Suzanne. Donc ils ont installé 444 arbres. C'est pas la première fois qu'ils font ça, puisqu'ils ont déjà. C'est leur 4e record du monde. Ils avaient battu ce même record l'année dernière avec 420 arbres. Et c'est vrai qu'ils le font, donc ils peuvent battre leur record. C'est sûr. C'est bon. Normalement, ils en ont un, voire deux, si c'est deux étages, tu vois. Ils battent le record chaque année, c'est déjà. C'est ça. Ils ont fait des arbres à thème, avec notamment des petits canards et Star Wars aussi. Voilà, ils ont dit tiens, ça peut être sympa. Donc l'exploit a été validé par le Guinness Book des records. Et dans leur maison, il n'y a plus aucune place. Ils ont juste une petite allée pour se déplacer, mais en gros, il n'y a plus une seule place. Il n'y a que des sapins. Quoi. Ah, ils ont commencé à faire leur installation de Noël. Ça sent le sapin chez eux. Hein. Ils ont commencé à installer leur sapin en août. Quoi ? Bah oui, t'as 444 sapins. Déjà, toi, tu prends un dimanche pour faire ton salon. Alors imagine 444. Mais ils les ont achetés où, les sapins, au mois d'août ? Non mais c'est surtout que c'est sympa leur salon au mois d'août là, ça doit être génial. C'est clair, c'est sympa. Tu sais, les sapins ça pousse pas qu'au mois de novembre et décembre. Hein. Ils sont là toute l'année, les sapins. Hein. Mais non, mais oui, ils les achètent, c'est bah, ça que je veux dire. N'importe qui peut en acheter en faisant appel à un pépiniériste. Personne fait ça, mais oui. Personne le fait. Sauf le gars qui achète 450 sapins. Voilà, c'est un pépiniériste. Allez, on va revenir en France et c'est un chiffre, c'est entre 50 et 100 euros. Du coup, c'est un nombre. Parce qu'un chiffre, c'est entre 1 et 2. Charles, tu auras déjà moins un point. Ok, bonjour le professeur de mathématiques. J'ai pas encore répondu. C'est ça comme réponse à chaque. C'est, la réponse n'a rien à voir. Entre 50 et 100 euros, un bonnet Noël aussi, ça marche. Mais c'est pas ça. Ouais, ça aurait pu. J'ai pas compris. Pas forcément. La question, c'est entre 50 et 100 euros. C'est pas forcément un objet. 75 euros. Une dédicace de Noël de quelqu'un de connu. Non, c'est une étude de consommation qui a donné le chiffre. Pas du tout. 50 et 100 euros. C'est le budget cadeau annuel moyen. Bah c'est le budget, ouais, je te donne ça, le point. Le budget de Noël. C'est le budget moyen pour les enfants, c'est entre 50 et 100 euros. Donc voilà. Okay. Alors les cadeaux les plus babysités pour les enfants, c'est trottinette, vélo, peluche, Monopoly et les jeux Pokémon. Monopoly, alors, arrêtez d'acheter des Monopoly. Il faut écouter la voisinage. Ça va m'énerver cette histoire. Alors, achetez Andorre Junior. C'est ça. Alors pour les enfants qui ont plus de 14 ans, c'est plutôt des produits électroniques et des accessoires de mode. Mmh. Et pour les adultes, le budget monte un petit peu parce que le montant moyen est entre 100 et 200 euros. Voilà. Ah ouais. Et donc c'est la beauté et la parfumerie qui arrivent en tête de liste, donc les coffrets Scorpio. Là, Adidas et Tutti Conti. Allez, on continue le tour du monde. On va en Angleterre et le chiffre c'est 47% des gens qui fêtent Noël. Non. Mais ça a vraiment un rapport avec le fait de fêter Noël. C'est des gens qui mettent pas de sapin. Non. C'est un rapport avec notre débat de tout à l'heure. Non plus. 47% des gens qui vont finir à l'hôpital parce qu'ils ont trop mangé. Bah, t'imagines, c'est pire que le Covid ton truc. Il y a un gars sur deux, il finit aux urgences. Et avec Boris Johnson. Oh, what's the France? I think I had to eat too much. Ah, c'est pas la joie ici. C'est pas la joie ici. C'est le retour de Millie avec son accent. Bonjour, je vais à l'hôpital parce que j'ai beaucoup trop mangé today. Vous pouvez me faire une opération de l'estomac? Non, je me sens pas très bien. Non, du coup, on est pas du tout. Mais c'est en rapport avec manger par contre. Des gens qui mangent du pudding à Noël. Non, je sais pas, c'est vraiment en rapport avec le fait de faire à manger. 7% mangent de la dinde. Ouais, ils achètent des trucs tout fait surgelés ou. C'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est 40... ce que tu viens de dire, c'est la conséquence. Ah, bah ils ont pas envie de faire à manger. Hein. Bon, allez, je vais te donner le point parce que c'est presque ça. 47% se dit incapable de préparer un repas de Noël. Ah, je compte donc dans les 47%. Et ouais, parce qu'en fait, alors ce qu'ils mangent, c'est une viande rôtie au four accompagnée de légumes arrosés de sauce. Et c'est justement la sauce qui pose problème parce qu'ils sont 81% à juger peu probable qu'ils arrivent à cuisiner une sauce. Voilà. Ah, ils sont 73% à se considérer incapables de préparer un pudding de Noël. J'étais pas là avec mon histoire de pudding. Et du coup, c'est là où on en revient à Amélie. 55% confient qu'ils se reposent sur les autres pour cuisiner. Voilà. Et 15% renoncent complètement à l'idée d'un dîner de Noël, carrément. C'est-à-dire, ah ça, ouais, c'est on fait pas de repas de Noël, on va se commander un truc au pub du coin. On se boit une coupe et puis on se fait les cadeaux et puis vous rentrez chez vous. C'est ça. C'est un apéro de Noël. Et du coup, dans l'étude, il figure que 41% des Anglais affirment que l'an prochain, leur résolution numéro 1, c'est de cuisiner un repas de Noël complet. Ah ouais. Toute l'année, ils y travaillent. Hein, c'est voilà. Ça. Allez, on va partir dans un pays, je ne sais pas du tout sur lequel, on va partir au Canada, où ils ont inventé un nouvel objet de Noël. Un traîneau. Non. Un traîneau électrique, solaire. Non mais j'aurais dit oui, hein, si c'était... Franchement, je te demande pas la marque du traîneau. Hein. Un gros objet, un petit objet. C'est pour faire un petit quoi, objet. Un petit objet. Ça va dans la cuisine? Non. Ça va sur le sapin? Oui. Une télécommande pour allumer les guirlandes. Ah, c'est d'une boule spéciale. Une boule à neige. En forme de... Non, pas en c'est forme de rien du tout, en forme de boule. C'est une boule. C'est une boule genre électrique ou... Pourquoi elle veut tout électrifier depuis tout à l'heure. C'est Pikachu. Ah bon, elle veut tout électrifier la fille. Pika, pika. Non, c'est une boule spéciale. Elle est comestible. Presque. En chocolat. Elle se cache jamais. Mais pourquoi elle est presque comestible? Elle est comestible, mais c'est de la magie. C'est ça. Comestible. Le repas de la grand-mère, tu sais, du dimanche, t'es que pas bon. Ouais. Non, c'est les restes alors. Non. Faut une boule avec. Elle est remplie de quelque chose. Donc en elle-même, elle est pas remplie de chocolat. Alors, elle est remplie de nourriture. Mais il faut trouver la nourriture. Elle est remplie. Oui. De mon chéri, les petites liqueurs. Ah, mais déjà, mon chéri, c'est dégueu. L'alcool, c'est gagné pour moi. Ouais, d'accord, allez. C'est une marque d'alcool qui propose des boules de Noël remplies de bière. Ah, d'accord. Voilà. Donc pour les amateurs de bière, et c'est cette année le cadeau insolite qui cartonne, c'est la marque Miller Lite, donc canadienne, qui propose des boules de Noël. Donc elles disposent d'un crochet pour les suspendre aux branches, mais également d'une petite languette pour pouvoir les décapsuler. C'est vachement bien pratique. Pensé. Et ils ont changé le slogan. D'habitude le slogan c'est une bonne bière Pilsner, et là c'est une belle décoration Pilsner. Malheureusement les coffrets étaient vendus au prix de 18€ et tout a été vendu sur le site birnamance.com. Donc le seul moyen de l'avoir, c'est d'attendre l'année prochaine ou que quelqu'un vous l'offre. Ou alors on peut faire sa boule soi-même. Hein. Oui. C'est pas compliqué, on met de la bière dans une boule de Noël et puis voilà. Ouais, il faut un truc qui se décapsule tout quand même, c'est technique. Mais non, mais tu prends ta boule, tu fais un trou dedans, tu balances la bière et tu mets du scotch. Oui, bien sûr. Bon. Magnifique, ça va être super tout ça. Je propose, genre, on fait pas ça. Ouais, moi je propose qu'on fasse la même avec du chocolat, non? C'est mieux? Oui, ça, la rigueur, c'est possible. Bon, en tout cas, c'était la fin de ce génie de l'actu. Je suis déçu parce que ça me faisait rire, mais j'ai pas du tout compté les points. Alors, moi, je suis pas du tout sûr de moi, mais si j'ai bien compté, on a tous 2 points. Alors, je pense qu'on a tous 2 points. Je sais pas combien il y en avait. J'ai peut-être 3 et vous avez 2. Non, mais regardez-moi. Je suis pas sûr qu'on ait fait 7 actus, mais ouais. Bah, moi, je pense qu'on a vraiment 2 points chacun. On a 2 points chacun. Et ben, je vais demander aux auditeurs de compter. Alors, les auditeurs, comme ce sont les rois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Et ceux qui désigneront celui qui aura le gage. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa comme ça. Fin de Noël, on a tous égalité, tout le monde est content. En sachant que l'animateur est évidemment ingageable, hein, je répète quand même. Si. Il a déjà fait un gage. On n'est pas d'accord. Hein. Ça suffit. Eh ben en tout cas, je vous remercie. Donc on trouvera le gage et puis quand on aura le gage, on l'annonce. D'ailleurs, on n'a même pas fait le gage il y a 2 semaines. Hein. Bah oui, j'ai oublié de vous donner un gage. C'est ma faute. Bah voilà. C'est pas grave. Ah bah pardon, je m'étais. C'est pas grave. Et oui, c'est le générique de fin. Alors j'ai quand même laissé le générique habituel parce que les musiques de Noël durent toutes 7 minutes. Donc du coup, j'ai laissé le générique habituel. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette belle voisinade de Noël du Sud avec vos beaux chapeaux de Noël. D'ailleurs, Charles a déjà enlevé son chapeau. Ouais, c'est trop chaud. On se retrouve le 6 janvier. Donc passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances, de bons Noël. Mangez bien, surtout ne vomissez pas trop. On se retrouve d'ici 2 semaines. Il ne faut pas finir à l'hôpital. Sinon, vous allez finir à l'hôpital de London avec Boris Johnson. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon Noël et comme disent les Anglais, hasta la vista, baby. Ouais. Salut. Salut. Salut. Salut.